Stad. If Christmas Mix sur Contact. Malcolm B. Thank you. Au platine, Malcolm B. I'm Christmas mix. Christmas mix en non-stop. We'll be right back. tried to fill them all, the sunny rain. Can you try to fill my pain, the sunny rain? Christmas Mix, Christmas Mix sur Contact, session Malcolm B. Malcolm B. Christmas Mix sur Contact. soul. He's not vicious or malicious, just lovely and delicious. In this torso, yeah. Heart got a deal you wanna know. Delightful, truly delightful. Life making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart especially. No other rhythm where I wanna be. Come on, flowing, blowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is a key. Get witty, witty, can't think, quitty, quitty. Stomp on the street when I hear funk with you. Playing pop, pipe, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove. Sing it. Christmas Mix sur Contact. Morrison. Contact dans le Nord à l'Homme 91.4. Explosé, explosé, décapant, tonitruant. Noël sera décalé au Purple. Mardi 25 décembre, soirée 100% techno. Guest DJ, Jamie DL, DJ LB. Gros son frénétique avec deux pointures du son techno belge. Jamie DL de l'Agora, DJ LB du Captain. De quoi te faire transpirer jusqu'à l'aube. Soirée 100% techno, mardi 25 décembre. Jamie DL de l'Agora et LB du Captain en guest. L'entrée gratuite, joyeux Noël, à Loison-sous-Lens, route de Lille. Le Purple-Club. Alors, monsieur le directeur, l'anniversaire de votre petit Julien au Lille Karting. Ah, génial, ils se sont bien amusés, les enfants. Tiens, ça me fait penser, notre prochaine réunion. Mais monsieur, on est plus de 120. Mais Valérie, il y a tout ce qu'il faut, Lille Karting. Salle d'accueil, une piste intérieure, une extérieure. Ils peuvent recevoir jusqu'à 350 personnes. Séminaire, réunion d'entreprise, Lille Karting, centre commercial Anglo. 0320 17 60 80. Sur le net, lillekarting.com. Outdoor ou indoor, faites du karting. Envie de faire des rencontres dans ta région? Envoie le mot cool par SMS au 6 11 45. Le premier chat SMS avec photo. C'est facile et rapide. Envoie cool, C-O-O-L, au 6 11 45. Et commence à recevoir des messages de filles et de mecs. Cool au 6 11 45. Plurimédia, 35 centimes par SMS hors coût d'envoi du SMS. C'est Noël avant l'heure chez Renault Dianor à Roncq. Jusqu'au 24 décembre. Profitez de prix très cadeaux sur les véhicules de démonstration. Pour 1 euro de plus, repartez avec le tout dernier GPS Nokia d'une valeur de 329 euros. Ou la superbe voiture électrique Renault d'une valeur de 229 euros. Renault Dianor, c'est aussi la reprise de votre véhicule, quelle que soit sa marque. Et des possibilités de financement sur place. Chez Renault Dianor, le Père Noël pense aussi aux grands-enfants. À Roncq, autour de Gand, sortie centre commercial. Contact.